Deuxième journée, chapitre 4. Le docteur Chassaigne attendait Pierre devant le bureau médical des constatations. Mais il y avait là une foule compacte, fiévreuse, guettant les malades qui entraient, les questionnant, les acclamant à la sortie, lorsque se répandait la nouvelle du miracle. Un aveugle qui voyait, une sourde qui entendait, une paralytique qui retrouvait des jambes neuves. Et Pierre eut grand-peine à traverser cette cohue. « Eh bien » demanda-t-il au docteur, « allons-nous avoir un miracle ? Mais un vrai, incontestable !» Le docteur sourit, indulgent dans sa foi nouvelle. « Ah, dame, un miracle ne se fait pas sur commande. Dieu intervient quand il veut. » Des hospitaliers gardaient sévèrement la porte. Tous le connaissaient et ils s'écartèrent respectueusement. Ils le laissèrent entrer avec son compagnon. Ce bureau où les guérisons étaient constatées se trouvait installé fort mal dans une misérable cabane en planches qui se composait de deux pièces, une étroite antichambre et une salle commune de réunion insuffisante. D'ailleurs, il était question d'améliorer ce service en le logeant plus au large, tout un vaste local sous une des rampes du rosaire et dont on préparait déjà l'aménagement. Dans l'antichambre, où il n'y avait qu'un banc de bois, Pierre aperçut deux malades assises, attendant leur tour, sous la surveillance d'un jeune hospitalier. Mais lorsqu'il pénétra dans la salle commune, le nombre des personnes entassées là le surprit, tandis que la suffocante chaleur amassée entre les murs de bois que le soleil surchauffait, lui brûlait la face. C'était une pièce carrée, peinte en jaune clair, nue, avec une seule fenêtre, aux carreaux brouillés de blanc, afin que la foule, qui s'écrasait dehors, ne pût rien voir. On n'osait pas même ouvrir la fenêtre pour donner de l'air, car aussitôt un flot de têtes curieuses entrait. Et le mobilier restait rudimentaire. Deux tables de sapin d'inégale hauteur, placées bout à bout, qu'on n'avait seulement pas recouvertes d'un tapis. Une sorte de grand casier encombré de paperasses mal tenues, de dossiers, de registres, de brochures. Enfin, des chaises de paille, une trentaine, tenant tout le plancher, et de vieux fauteuils déloquetés pour les malades. Tout de suite, le docteur Bonamy s'était empressé au-devant du docteur Chassaigne, qui était une des dernières et une des plus glorieuses conquêtes de la grotte. Il lui trouva une chaise, fit asseoir également Pierre, dont il salua la soutane. Puis, de son ton de grande politesse, « Mon cher confrère, vous me permettez de continuer? Nous étions en train d'examiner mademoiselle. » Il s'agissait d'une sourde, une paysanne de 20 ans, assise dans l'un des fauteuils. Mais, au lieu d'écouter, Pierre, les jambes lasses, la tête bourdonnante encore, se contentait de regarder, tâchait de se rendre compte du personnel qui se trouvait là. On pouvait être une cinquantaine. Beaucoup se tenaient debout, adossés contre le mur. Devant les deux tables, ils étaient 5, le chef du service des piscines au milieu, penché sur un gros registre, puis un père de l'Assomption, et 3 jeunes séminaristes qui servaient de secrétaires, écrivant, passant les dossiers, les reclassant après chaque examen. Et Pierre s'intéressa un instant à un père de l'Immaculée Conception, le père d'Argelès, rédacteur en chef du « Journal de la grotte » qu'on lui avait montré le matin. Sa petite figure mince, aux yeux clignotants, au nez pointu et à la bouche fine, souriait toujours. Il était assis modestement au bout de la plus basse des deux tables et il prenait parfois des notes pour son journal. Lui seul, de toute la congrégation, paraissait pendant les 3 jours du pèlerinage national. Mais derrière lui, on devinait les autres, comme une force lentement accrue et cachée, organisant tout et ramassant tout. Ensuite, l'assistance ne comptait guère que des curieux, des témoins, une 20aine de médecins et 4 ou 5 prêtres. Les médecins, venus d'un peu partout, gardaient pour la plupart un absolu silence. Quelques-uns se hasardaient à poser des questions, et ils échangeaient par moments des regards obliques, plus préoccupés de se surveiller entre eux que de constater les faits soumis à leur examen. Qui pouvait-il être ? Des noms étaient prononcés, entièrement inconnus. Un seul avait causé une émotion, celui d'un docteur célèbre d'une université catholique. Mais ce jour-là, le docteur Bonamy, qui ne s'asseyait jamais, menant la séance, interrogeant les malades, gardait surtout son amabilité pour un petit monsieur blond, un écrivain de quelque talent, rédacteur influent d'un des journaux les plus lus de Paris, et qu'un hasard venait de faire tomber à Lourdes le matin même. N'était-ce pas un incrédule à convertir ? Une influence et une publicité à utiliser ? Et le docteur l'avait installé dans le second fauteuil, et il affectait une bonhomie souriante, lui donnait la grande représentation, déclarait qu'on n'avait rien à cacher, tout se passant au grand jour. « Nous ne demandons que la lumière, » répétait-il. « Nous ne cessons de provoquer l'examen des hommes de bonne volonté. » Puis, comme la prétendue guérison de la sourde se présentait fort mal, il la rudoya un peu. « Allons, allons, ma fille, il n'y a qu'un commencement, vous repasserez. » Et à demi-voix, « Si on les écoutait, toutes seraient guéries. Mais nous n'acceptons que les guérisons prouvées, éclatantes comme le soleil. » Remarquez que je dis « guérison » et non pas « miracle », car nous, médecins, nous ne nous permettons pas d'interpréter. Nous sommes là simplement pour constater si les malades, soumis à notre examen, n'offrent plus aucune trace de malade. Il se carrait, tirait du jeu son honnêteté, pas plus sot ni menteur qu'un autre, croyant sans croire, sachant la science si obscure, si pleine de surprises, que l'impossible y était toujours réalisable. Et sur le tard de sa vie de praticien, il s'était ainsi fait à la grotte une situation à part, qui avait ses inconvénients et ses avantages, fort douce et heureuse en somme. Maintenant, sur une question du journaliste de Paris, il expliquait sa façon de procéder. Chaque malade du pèlerinage arrivait avec un dossier, dans lequel se trouvait presque toujours un certificat du médecin qui le soignait. Parfois même, il y avait plusieurs certificats de médecins différents, des bulletins d'hôpitaux, tout un historique de la maladie. Et dès lors, quand une guérison venait à se produire et que la personne guérie se présentait, il suffisait de se reporter à son dossier, de lire les certificats pour connaître le mal dont elle souffrait et pour constater, en l'examinant, si ce mal avait bien réellement disparu. Pierre écoutait, attentif. Depuis qu'il était là, assis au repos, il se calmait et il retrouvait son intelligence nette. La chaleur seule l'incommodait maintenant. Aussi, intéressé par les explications du docteur Bonamy, désireux de se faire une opinion, aurait-il pris la parole sans la robe qu'il portait? Cette soutane le condamnait à un perpétuel effacement. Et il fut ravi d'entendre le petit monsieur blond, l'écrivain influent, formuler les objections qui, tout de suite, se présentaient. Cela ne semblait-il pas désastreux que ce fût un médecin qui diagnostiqua la maladie et un autre médecin qui en constata la guérison? Il y avait certainement là une continuelle source d'erreurs possibles. Le mieux aurait dû être qu'une commission médicale examinât tous les malades dès leur arrivée à Lourdes, rédigeât des procès-verbaux, auquel la même commission se serait reportée à chaque cas de guérison. Mais le docteur Bonamy se récriait, disant avec justesse que jamais une commission ne suffirait à une si gigantesque besogne. Pensez donc, 1000 cas divers à examiner dans une matinée ? Et que de théories différentes, que de discussions, que de diagnostics contradictoires, augmentant l'incertitude. L'examen préalable d'une réalisation presque impossible offraient en effet des causes d'erreur tout aussi grandes. Dans la pratique, il fallait s'en tenir à ces certificats délivrés par les médecins, qui prenaient dès lors une importance capitale, décisive. On feuilleta des dossiers sur l'une des tables. On fit lire des certificats aux journalistes de Paris. Beaucoup étaient d'une brièveté fâcheuse. D'autres, mieux rédigés, spécifiaient nettement les maladies. Quelques signatures de médecins étaient même légalisées par les maires des communes. Seulement, les doutes restaient sans nombre, invincibles. Quels étaient ces médecins? Avaient-ils l'autorité scientifique nécessaire? N'avaient-ils pas cédé à des circonstances ignorées, à des intérêts purement personnels? On était tenté de réclamer une enquête sur chacun d'eux. Du moment que tout se basait sur le dossier apporté par le malade, il aurait fallu un contrôle très soigneux des documents, car tout croulait dès qu'une critique sévère n'avait pas établi l'absolue certitude des faits. Très rouge, suant, le docteur Bonamy se démenait. « Mais c'est ce que nous faisons! C'est ce que nous faisons! Dès qu'un cas de guérison nous paraît inexplicable par les voies naturelles, nous procédons à une enquête minutieuse. » Nous prions la personne guérie de revenir se faire examiner. Et vous voyez bien que nous nous entourons de toutes les lumières. Ces messieurs qui nous écoutent sont presque tous des médecins, accourus des points les plus opposés de la France. Nous les conjurons de nous dire leurs doutes, de discuter les cas avec nous, et un procès-verbal très détaillé est dressé de chaque séance. Vous entendez, messieurs ? Protestez si quelque chose ici blessait en vous la vérité. » Pas un des assistants ne bougea. Le plus grand nombre des médecins présents, qui devaient être des catholiques, s'inclinaient, naturellement. Et quant aux autres, les incrédules, les savants purs, ils regardaient, s'intéressaient à certains phénomènes, évitaient par courtoisie d'entrer dans des discussions, inutiles d'ailleurs. Puis ils s'en allaient, quand leur malaise d'homme raisonnable devenait trop grand et qu'ils se sentaient près de se fâcher. Alors, personne ne souffle en mot, le docteur Bonamy triompha. Et comme le journaliste lui demandait s'il était seul pour un si gros travail, « Absolument seul. Ma fonction de médecin de la grotte n'est pas si compliquée, car elle consiste simplement, je le répète, à constater les guérisons lorsqu'il s'en produit. » Il se reprit pourtant, il ajouta avec un sourire. « Ah, j'oubliais, j'ai Rabouin qui m'aide à mettre ici un peu d'ordre. » Et il désignait du geste un gros homme d'une quarantaine d'années, grisonnant, à la face épaisse, à la mâchoire de dogue. Lui était un croyant exaspéré, un exalté, qui ne permettait pas qu'on mît en doute les miracles. Aussi souffrait-il de sa fonction au bureau des constatations médicales, toujours prêt à gronder de colère dès qu'on discutait. L'appel au médecin l'ayant jeté hors de lui, le docteur dut le calmer. « Allons, Rabouin, mon ami, taisez-vous. Toutes les opinions sincères ont le droit de se produire. » Mais les malades défilaient. On amena un homme dont un eczéma couvrait le torse entier. Et quand il ôtait sa chemise, une farine grise tombait de sa peau. Il n'était pas guéri. Il affirmait seulement qu'il venait chaque année à Lourdes et qu'il en repartait chaque fois soulagé. Puis ce fut une dame, une comtesse d'une maigreur effrayante dont l'histoire était extraordinaire. Guérie une première fois par la Sainte Vierge d'une tuberculose, 7 années auparavant, elle avait eu 4 enfants, puis elle était retombée à l'aphtisie, morphinomane à 7 heures, mais déjà ranimée par son premier bain, se proposant, dès le soir, d'assister à la procession au flambeau, avec les 27 personnes de sa famille amenées par elle. Ensuite, il y eut une femme, atteinte d'aphonie nerveuse, qui, après des mois de mutité absolue, venait de recouvrer subitement la voix au moment de la procession de 4 heures sur le passage du Saint-Sacrement. « Messieurs, déclara le docteur Bonamy, avec la bonne grâce affectée d'un savant aux idées larges. « Vous savez que nous ne retenons pas les cas dès qu'il s'agit d'une affection nerveuse. Remarquez pourtant que cette femme a été soignée pendant 6 mois à la Salpêtrière et qu'elle a dû venir ici pour voir sa langue se délier tout d'un coup. » Cependant, il montrait quelque impatience, car il aurait voulu servir au monsieur de Paris un beau cas, comme il s'en produisait parfois pendant cette procession de 4 heures, qui était l'heure de grâce et d'exaltation, où la Sainte Vierge intercédait pour ses élus. Jusque-là, les guérisons qui avaient défilé restaient douteuses et sans intérêt. Et au dehors, on entendait le piétinement, le grondement de la foule, fouettée de cantiques, enfiévrée par le besoin du miracle, s'énervant de plus en plus dans l'attente. Mais une fillette poussa la porte, souriante et modeste, avec des yeux clairs, luisants d'intelligence. « Ah !» cria joyeusement le docteur. « Voici notre petite amie Sophie !»« Une guérison remarquable, messieurs, qui s'est produite à pareille époque, l'année dernière, et dont je demande la permission de vous montrer les résultats. » Pierre avait reconnu Sophie Couteau, la miraculée qui était montée dans son compartiment à Poitiers. Et il assista à une répétition de la scène déjà jouée devant lui. Le docteur Bonamy donnait maintenant les explications les plus précises au petit monsieur blond, très attentif, une carie des os du talon gauche, un commencement de nécrose qui nécessitait la résection, une plaie affreuse, suppurante, guérie en 1 minute à la première immersion dans la piscine. « Sophie, racontez à monsieur !» La fillette eut son geste gentil qui commandait l'attention. « Alors, comme ça, mon pied était perdu. Je ne pouvais seulement plus me rendre à l'église. Et il fallait toujours l'envelopper dans du linge, parce qu'il coulait des choses qui n'étaient guère propres. Monsieur Rivoire, le médecin qui avait fait une coupure pour voir dedans, disait qu'il serait forcé d'enlever un morceau de l'os, ce qui m'aurait bien sûr rendue boiteuse. Et alors, après avoir bien prié la Sainte Vierge, je suis allée tremper mon pied dans l'eau, avec une si bonne envie de guérir que je n'ai pas même pris le temps d'enlever le linge. Et alors, tout est resté dans l'eau. Mon pied n'avait plus rien du tout quand je l'ai sorti. » Le docteur Bonamy approuvait chaque mot d'un branle de la tête. « Et Sophie, répétez-nous le mot de votre médecin. » « Chez nous, quand Monsieur Rivoire a vu mon pied, il a dit « Que ce soit le bon Dieu ou le diable qui ait guéri cet enfant, ça m'est égal, mais la vérité est qu'elle est guérie. » Des rires éclatèrent, le mot était d'un effet sûr. « Et Sophie, votre mot à Madame la Comtesse, la directrice de votre salle. » « Ah oui !» Je n'avais pas emporté beaucoup de linge pour mon pied, et je lui ai dit « La Sainte Vierge a été bien bonne de me guérir le premier jour, car le lendemain, ma provision allait être épuisée. » Il y eut de nouveaux rires, une satisfaction générale à la voir si gentille, récitant un peu trop son histoire qu'elle savait par cœur, mais très touchante et l'air véridique. « Sophie, ôtez votre soulier, montrez votre pied à ces messieurs. Il faut qu'on touche, il faut que personne ne puisse douter. » Lestement, le petit pied apparut, très blanc, très propre, même soigné, avec la cicatrice au-dessous de la cheville, une longue cicatrice dont la couture blanchâtre témoignait de la gravité du mal. Quelques médecins s'étaient approchés, regardaient en silence. D'autres, qui avaient leurs convictions faites, sans doute, ne se dérangèrent pas. Un des premiers, d'un air très poli, demanda pourquoi la Sainte Vierge, pendant qu'elle y était, n'avait pas refait un pied tout neuf, ce qui ne lui aurait pas coûté davantage. Mais le docteur Bonamy répondit vivement que si la Sainte Vierge avait laissé une cicatrice, c'était sûrement pour qu'il existât une trace, une preuve du miracle. Il entrait dans des détails techniques, démontrait qu'un fragment d'os et de la chair avait dû être refait instantanément, ce qui restait inexplicable par les voies naturelles. « Mon Dieu !» interrompit le petit monsieur blond. « Il n'y a pas besoin de tant d'affaires. Qu'on me montre seulement un doigt entaillé d'un coup de canif et qui sort cicatrisé de l'eau. Le miracle sera aussi grand. Je m'inclinerai. » Puis il ajouta « Si j'avais, moi, une source qui referma ainsi les plaies, je voudrais bouleverser le monde. Je ne sais pas comment, mais j'appellerais les peuples, et les peuples viendraient. Je ferais constater les miracles avec une telle évidence que je serais le maître de la terre. Songez donc à cette puissance souveraine, toute divine. Mais il faudrait que pas un doute ne restât. Il faudrait une vérité aussi éclatante que le soleil. La terre entière verrait et croirait. » Et il discuta les moyens de contrôle avec le docteur. Il avait admis que tous les malades ne pouvaient être examinés à l'arrivée. Seulement, pourquoi ne créait-on pas à l'hôpital une salle particulière réservée aux plaies apparentes? On aurait là une trentaine de sujets au plus, qu'on soumettrait à l'examen préalable d'une commission. Des procès-verbaux de constat seraient dressés, on photographierait même les plaies. Ensuite, si une guérison venait à se produire, la commission n'aurait qu'à la constater dans un nouveau procès-verbal. Et là, il ne s'agirait plus d'une maladie interne dont le diagnostic est difficile, toujours discutable. L'évidence se ferait. Un peu embarrassé, le docteur Bonamy répétait « sans doute, nous ne demandons que la lumière. Le difficile serait de composer cette commission. Si vous saviez comme on s'entend peu, enfin, il y a certainement là une idée. » Il fut secouru par l'arrivée d'une nouvelle malade. Pendant que la petite Sophie Couteau se rechaussait, déjà oubliée, Élise Rouquet parut, avec sa face de monstre, qu'elle étala en ôtant son fichu. Depuis le matin, elle se lotionnait avec des linges à la fontaine, et il lui semblait bien, disait-elle, que sa plaie, si avivée, commençait à sécher et à pâlir. C'était vrai. Pierre constatait, très surpris, que l'aspect en était moins horrible. Ce fut un nouvel aliment à la discussion sur les plaies apparentes, car le petit monsieur blond s'entêtait dans son idée de la création d'une salle spéciale. En effet, si l'on avait constaté le matin même l'état de cette fille, et si elle guérissait, quel triomphe pour la grotte d'avoir ainsi guéri un lupus! Le miracle ne serait plus niable. Jusque-là, le docteur Chassaigne s'était tenu à l'écart, immobile et muet, comme s'il eût voulu laisser les faits seuls agir sur Pierre. Brusquement, il se pencha pour lui dire à demi-voix « les plaies apparentes, ce monsieur ne se doute pas qu'aujourd'hui nos savants médecins soupçonnent beaucoup de ces plaies d'être d'origine nerveuse. Oui, l'on découvre qu'il y aurait là simplement une mauvaise nutrition de la peau. Ces questions de la nutrition sont encore si mal étudiées. Et l'on arrive à prouver que la foi qui guérit peut parfaitement guérir les plaies, certains faux lupus entre autres. Alors, je vous demande quelle certitude il obtiendrait, ce monsieur, avec sa fameuse salle des plaies apparentes. Un peu plus de confusion et de passion dans l'éternelle querelle. Non, non, la science est vaine, c'est la mère de l'incertitude. » Il souriait douloureusement, tandis que le docteur Bonamy engageait Élise Rouquet à continuer les lotions et à revenir chaque jour se faire examiner. Puis, il répéta de son air prudent et affable « Enfin, messieurs, il y a un commencement, ce n'est pas douteux. » Mais le bureau fut bouleversé. La grivotte venait d'entrer en coup de vent, d'une allure dansante, criant à voix pleine « Je suis guérie ! Je suis guérie !» Et elle racontait qu'on ne voulait d'abord pas la baigner, qu'elle avait dû insister, supplier, sangloter pour qu'on se décidât à le faire, sur une permission formelle du père Fourcade. Et elle l'avait bien dit à l'avance, elle n'était pas plongée dans l'eau glacée depuis 3 minutes, toute suante, avec son enrouement de phtisique, qu'elle avait senti les forces lui revenir, comme dans un grand coup de fouet qui lui cinglait tout le corps. Une exaltation, une flamme l'agitait, piétinante et radieuse, ne pouvant tenir en place. « Je suis guérie, mes bons messieurs, je suis guérie !» Stupéfait cette fois, Pierre la regardait. Était-ce donc cette fille que la nuit dernière il avait vue anéantie sur la banquette du wagon, toussant et crachant le sang, la face terreuse? Il ne la reconnaissait pas. Droite, élancée, les joues en feu, les yeux étincelants, avec toute une volonté et une joie de vivre qui la soulevaient. « Messieurs, déclara le docteur Bonamy, le cas me paraît très intéressant. Nous allons voir. » Il demanda le dossier de la grivotte. Mais parmi l'entassement des paperasses sur les deux tables, on ne le trouvait pas. Les secrétaires, les jeunes séminaristes fouillaient tout. Et il fallut que le chef du service des piscines, assis au milieu, se leva, alla regarder dans le casier. Enfin, lorsqu'il eut repris sa chaise, il découvrit le dossier sous le registre qu'il gardait grand ouvert devant lui. Il contenait jusqu'à 3 certificats de médecin dont lui-même donna lecture. Tous les 3, du reste, concluaient à une phtisie avancée que des accidents nerveux compliquaient et rendaient particulière. Le docteur Bonamy eut un geste pour dire qu'un tel ensemble ne laissait aucun doute. Puis, il ausculta longuement la malade et il murmurait « Je n'entends rien, je n'entends rien. » Il se reprit « Ou presque rien. » Ensuite, il se tourna vers les 25 à 30 médecins qui se tenaient là, silencieux. « Messieurs, si quelques-uns d'entre vous veulent bien me prêter leur lumière, nous sommes ici pour étudier et discuter. »